à toi qui travailles tard le soir, sous ce pont au Pervilliers, parmi les poubelles sur le trottoir. Les résidus du matos de camée, camionnette en guise de dortoir, un dortoir où tu dors jamais. Tu attends le client dans l'espoir que ce soit enfin le dernier. La petite heure des Pays-Bleches parle pas beaucoup de mots en français. La petite heure des Pays-Bleches comprend le terme se prostituer. La petite heure des Pays-Bleches vous laissez dans la mode à défiler. La petite heure des Pays-Bleches en a marre de se faire enculer. Faire le battu et violer pour t'apprendre le métier, t'as vécu comme une libération, la fin de ta formation. En plus de ta dignité, ils t'ont piqué tes papiers et dit que si tu voulais pas tapiner, tes sœurs le feraient. La petite blonde des Pays-Bleches pense à ses sœurs et serre les dents. La petite blonde des Pays-Bleches doit se faire un max d'argent. La petite blonde des Pays-Bleches pour acheter sa liberté. La petite blonde des Pays-Bleches des jours elle préférerait crever. Toi qui travailles tard le soir, sous ce pont au Pervilliers, parmi les poubelles sur le trottoir, les résidus du matos de camé. La petite blonde des Pays-Bleches la